C'était moi de Lolo Zouaille. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et viennent de me rejoindre pour parler de l'actu scientifique de la semaine, Philippe Hénard et Jos de Ciel et Espace et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Sire. Quoi ? Est-ce que vous croyez qu'il y a des planètes où il n'y a que des chevaux, d'autres planètes où il n'y a que des furets et d'autres planètes où il n'y a que des insectes ? Non. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, quand je m'embarque sur l'espace... On se lève dans 3 heures, vous pouvez la fermer ? Ouais, ouais. Bonne nuit, sire. Et nous n'avons pas fini de nous poser des questions comme Perceval de Camelot avec cette première astronomique qui a beaucoup été reprise dans les médias cette semaine. Philippe Hénard et Jos, mardi, des chercheurs ont annoncé avoir détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une super Terre évoluant loin de notre système solaire. C'est vraiment une première ? Alors c'est une première dans le sens où c'est la plus petite planète sur laquelle on a découvert de la vapeur d'eau. Des mesures similaires avaient déjà été faites, mais c'était sur des planètes qui étaient de type géante gazeuse, voire Neptune. Et là, c'est une planète qui a une masse de 8 fois et demi celle de la Terre. Et on est sûr que c'est une planète rocheuse mais dont non, on est en train non, de parler ? Non, on n'est pas sûr que c'est une planète rocheuse. Ça peut être une mini-planète gazeuse, en fait, une mini-Neptune. Donc on c'est est à la limite. Soit une super-Terre, soit une mini-Neptune. Exactement, voilà. Ouais. Donc c'est un pas de plus vers la détection de ce précieux gaz qui, sous certaines conditions, peut être liquide, et on le sait, sur Terre, et que quand il est liquide, eh bien c'est très intéressant pour la vie, puisque le seul exemple de vie qu'on connaisse, c'est ici, et on sait que l'eau joue un grand rôle là-dedans. Donc c'est un premier pas vers la détection de vapeur d'eau dans des planètes plus petites. L'autre aspect, c'est que cette planète se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable de l'étoile. C'est une petite étoile par rapport au Soleil, donc elle est plus proche. Mais c'est ça veut dire qu'il fait ni trop chaud ni trop froid. L'étoile voilà. autour de laquelle elle tourne, c'est une naine rouge, voilà. Donc moins intense que notre intense. Soleil. Alors, elle tourne, cette super Terre ou mini-Neptune, elle est assez proche de son étoile, oui. Puisqu'elle fait le tour de son étoile en une trentaine... En 33 jours. 33 jours. Voilà. Donc, pour oui, elle, c'est le une temps année que... dure voilà. 30 jours. Une lunaison, en quelque sorte, ouais. Puisqu'il faut à peu près un mois à la Lune pour tourner autour de la Terre. Donc, ça vous dit vraiment que l'étoile est bien plus petite que le Soleil. Donc, pour qu'il y fasse... Ni trop chaud ni trop froid, il faut être beaucoup plus près. Donc, c'est le cas de cette planète. Mais ça ne présume en rien de sa nature, encore une fois. Elle est peut-être pas rocheuse. Ouais. Il y a des scientifiques qui sont en train de discuter de ça et ils sont pas d'accord là-dessus. Donc, on s'est quand même beaucoup emballé cette semaine sur quelque chose de très hypothétique, finalement, Sophie Bécherel. C'est toujours la même chose. La science, il va y avoir les camps qui vont s'affronter. Mais l'autre chose qui est assez intéressante quand même, c'est que c'est un très vieux télescope qui a permis oui. d'obtenir cette présence de vapeur d'eau. Et puis peut-être que c'est ça aussi qui a participé au fait qu'on monte un peu en épingle la découverte, parce que Hubble, c'est vraiment un vieil engin. En gros, si vous voulez, la vapeur d'eau, elle n'est pas arrivée comme ça tout de suite. Quoi. Pour être précis, il y a une des deux équipes, puisqu'il y a deux équipes qui ont fait une annonce sur ce travail-là, une des deux équipes a quand même bien poussé à la roue en disant « Ah, quand même, c'est très important et cette eau sous forme de vapeur pourrait condenser en pluie, en quelque sorte. » Et donc, ça veut dire qu'il y aurait du liquide à la surface. Et là, quand on dit au liquide, si on voit super Terre, etc. Or, c'est là-dessus que d'autres équipes ne sont pas du tout d'accord, les accusent presque d'avoir fait une erreur ou une précipitation dans l'interprétation. Une précipitation, quel jeu de mots Oui, involontaire, je vous l'avoue. Mais alors, ça veut dire qu'on est sûr qu'il y a de l'eau gazeuse dans l'atmosphère de cette planète, oui. Mais de l'eau liquide... C'est pas sûr du tout, parce que même si elle a une atmosphère dense, mais que c'est une mini-Neptune, les conditions ne seront pas réunies parce que ce sera une atmosphère en... une grande majorité composée d'hydrogène seul. Et dans ce cas-là, on a d'autres exemples. Par exemple, Jupiter, il n'y a pas d'eau liquide dans ces planètes-là. Alors, il faut quand même rappeler, Sophie Bécherel, que habitable ne veut pas dire habité. Quand on parle de cette zone habitable... C'est cette notion de pas trop loin ou pas trop près de son étoile, et donc avec une température à peu près convenable. Ça n'est pas un enfer de chaleur et ça n'est pas un monde glacé non plus. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire dans les années à venir, maintenant que l'on a identifié cette planète qui, quand même est la première candidate à une possibilité de peut-être l'existence d'une forme de vie. On va mettre toutes les pincettes. Mais évidemment, on a envie de savoir, on a envie d'en avoir le cœur net. Avec quel outil on va pouvoir ausculter cette planète qui est quand même à 110 années-lumière de nous, hein. C'est-à-dire que si on se dirige à la vitesse de la lumière vers cette planète, il nous faut 110 ans pour l'atteindre. Voilà. Eh bien, ce qu'on peut espérer, c'est que les progrès dans les détecteurs qui équipent les télescopes actuels continuent à avancer. Il y a aussi des télescopes qui vont être en construction dans pas très longtemps, qui seront des télescopes de l'ordre de 30 à 40 mètres de diamètre sur Terre. C'est vraiment des géants qui, eux, auront la capacité de capter beaucoup plus de lumière et donc peut-être de faire des spectres, c'est-à-dire décomposer cette lumière. Vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est un point, c'est une étoile, ouais. Et on analyse une fraction infime de la lumière de cette étoile en la décomposant comme dans un prisme pour savoir quel composé se trouve sur une planète qui passe devant. Donc c'est compliqué, donc il faut beaucoup de lumière. Avec ces nouveaux télescopes et peut-être enfin en 2021, espérons-le, avec le JWST, le James Webb Space Telescope, qui en fera gros, le successeur d'Hubble, mais dans un domaine de longueur d'onde légèrement différent, peut-être pour nous commencer à étudier plus en détail ces spectres et donc à aller vers des planètes plus petites, parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à observer, et donc progresser vraiment vers l'étude de ces super-terres, voire de ces terres qu'on va découvrir, pour savoir si finalement, pour répondre à cette question, est-ce que la Terre est une exception ou est-ce que, diable, y a-t-il d'autres terres comme ça dans la galaxie ? Et si on prolonge un peu dans le côté science-fictionnel, si on envoie un message radio à destination de cette planète, pareil, hein, c'est 110 ans rien que pour... Pour dire bonjour. Pour dire bonjour et 110 ans pour avoir la réponse. À supposer qu'ils sont reçus, oui. Ouais, on est quand même loin de... d'avoir découvert la vie ailleurs avec cette histoire. Et ça, ce sont des planètes relativement proches, en fait. Ça vous donne une idée de l'immensité des espaces interstellaires et la difficulté de la communication éventuelle un jour avec d'autres formes de vie. De vie intelligente, hein, si on veut communiquer en plus avec elles. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Sophie Bécherel, au Canada, on a découvert une nouvelle espèce de ptérosaure géant. C'est l'un des animaux volants les plus grands ayant jamais existé. Le fossile a 77 millions d'années. Et il répond au joli nom de Cryotrachon boreas, dragon du froid boréal. C'est joli, non ? Oui. C'est un géant, puisqu'il avait l'envergure d'un avion de chasse comme le Rafale, avec ses 10 mètres, et il pesait 250 kilos à l'âge adulte. En fait, ce n'est pas un nouveau squelette qu'on met au jour les paléontologues, c'est le réexamen de restes fossiles découverts il y a une trentaine d'années dans la province de l'Alberta au Canada par un chercheur de l'université Queen Mary de Londres qui a abouti donc à cette nouvelle espèce, autrefois confondue avec une autre, en l'occurrence le Quetzalcoatlus. Les enfants qui sont à fond sur les dinosaures voient à peu près de quoi je veux parler. Ces animaux ont vécu entre il y a 230 millions d'années et 66 millions d'années. C'était vraisemblablement les premiers vertébrés volants et alors donc il avait ses ailes avec des membranes, si vous voulez, et au menu de ces géants volants, eh ben, des mammifères, des lézards, des poissons, peut-être des bébés dinosaures. Voilà, c'était le carnet rose des ptérosaures. Vous l'avez très bien fait, Sophie. Philippe Hénarejos, la découverte d'une comète interstellaire. Oui, on parlait d'espace interstellaire. Eh bien, il vient à nous. Vous vous souvenez peut-être en 2017, ce fameux objet, cet astéroïde Oumuamua, qui avait traversé le système solaire et qui était reparti vers l'espace interstellaire. Eh bien, c'est la même chose qui est en train d'arriver. Sauf que là, c'est avéré, c'est une comète. On voit une chevelure autour. On l'a détecté le 30 août. C'est un astronome amateur qui l'a détecté. Alors, d'autres observations ont été menées et on s'est aperçu qu'avec sa trajectoire et sa vitesse, qui est considérable, il ne pouvait pas venir des confins du système solaire, mais il venait forcément d'un autre système planétaire. Donc il traverse la Voie lactée comme ça. Il va passer au large de Mars autour du 9 décembre prochain. Et l'intérêt, c'est qu'il est plus brillant que Oumuamua, que donc les astronomes le voient avant qu'il arrive et non pas au moment où il repart, comme c'était le cas la dernière fois. Donc ils vont pouvoir, encore une fois, analyser sa lumière pour savoir de quoi il est fait, beaucoup plus facilement parce qu'il est plus brillant, parce qu'on le voit arriver. Ça, c'est une première, parce qu'on va voir si ces objets venus d'autres systèmes planétaires ont la même composition grossière. Ça ne sera pas encore des études très fines que ceux que l'on connaît dans notre système solaire. Et Sophie Bécherel, on termine au rayon électroménager avec l'électroménager intelligent. Va-t-il enfin entrer dans nos cuisines et nos salles de bain? Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup de faux départs avec la domotique. Ça fait à peu près 20 ans qu'on nous parle de la maison intelligente. Les volets s'ouvriront quand on passera le portail et puis le linge sera étendu. Bref, tout sera fait. Et donc, ça n'avance pas tellement. Malgré tout, les constructeurs ne lâchent pas l'affaire. Et donc, il vient de se produire donc le salon IFA à Berlin, où c'est à peu près l'équivalent du CES à Las Vegas, c'est-à-dire tous les objets connectés les plus récents. Et là, donc, pas mal de choses sur l'électroménager, avec ce réfrigérateur avec une vitre qui vous permet de voir ce qu'il y a dedans, éventuellement de commander les produits manquants, le four qui répond à votre voix, si vous avez le plat à gratin dans les mains, la porte s'ouvre toute seule, puis la machine à laver qui est capable de doser la lessive en fonction du poids et de du textile précisément qui doit être lavé. Donc tout ça, c'est pour bientôt. La seule chose qui manque, au fond, c'est une norme qui permette à tous ces objets, cet électroménager, de communiquer avec nous et de communiquer entre eux, quelle que soit la marque. Parce que si on est prisonnier d'une marque, on va pas en vouloir, nous les consommateurs. Et donc les fabricants y travaillent. Ça s'appelle l'Open Connectivity Foundation. Mais si vous allez sur le site, vous verrez que tout le monde n'a pas encore signé cette norme. Donc à suivre également. Philippe Hénarégeau, en couverture de ciel et espace en kiosque en ce moment. Eh bien, retrouver la nuit, on parle beaucoup de protection de la planète et ça commence peut-être éteindre les lumières le soir, d'abord pour faire des économies et ensuite pour reprendre pied dans les étoiles comme on le faisait naguère, revoir la Voie lactée et ça c'est important. Vous avez reconnu notre invité de la deuxième heure, il vient de nous rejoindre, il vous écoutait le sourire aux lèvres, l'explorateur Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé d'espace dans l'actu de la semaine, vous auriez voulu être vous astronaute? Oui, en 83 j'avais répondu à l'appel à candidature des civils, Claudie Agnoret faisait partie de cette... Et donc j'avais répondu, il avait manqué une chose, j'avais vu ultérieurement l'ancien président du CNES, qui était à la retraite et je l'ai rencontré, il me dit... Vous étiez numéro 9, on en a pris 8. Ah oui, c'est vraiment passé oui, pas loin. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, un cheveu. Il m'a dit, vous avez manqué une chose, c'était d'avoir fait une publication scientifique. Donc, et j'avais défendu un truc, j'ai dit, les gars qui vont là-haut, c'est des cerveaux, c'est ce dont on a besoin. Moi, je suis bricoleur, je suis un bon campeur. Ouais. Ouais, vous aviez des atouts hein, sur le CV, ça passait bien. Alors, vous n'êtes pas allé sur d'autres planètes, mais vous avez exploré la nôtre comme peu l'ont fait. Tour du monde à la voile et plusieurs fois, l'Everest, les pôles nord et sud à plusieurs reprises, l'atoll de Clipperton dans le Pacifique. Et ce n'est pas fini, hein, vous préparez votre prochaine expédition. Nous n'avons pas fini de nous aérer les synapses. Jean-Louis Etienne est l'invité de notre deuxième heure. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. C'était le boss Bruce Springsteen dans Du vent dans les synapses avec Hello Sunshine. Et juste après le flash, nous mettons le cap sur l'épaule avec l'explorateur Jean-Louis Etienne.